Oui, bonjour, bonsoir, mes chers amis. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Ça dépend du lieu que vous me suivez. Voilà. Comme promis, nous voici devant vous pour discuter de la situation que notre pays, disons, notre résistance est en train de traverser. Et Batu Oyo Bazalite, soyez beaucoup yikotage bango, parce que Nalingi, je ne veux pas me répéter. Excusez-moi. Je ne veux pas me répéter. Alors, si vous estimez qu'il y a des amis Oyo Bazali n'a besoin Bayo Kabiso, beaucoup yuko tagé biso, mais sinon, bon, ces amis, Baolanda biso indifféré. Alors, Bosala no ki botagé d'abord, Botia mité maibélé, parce que je sais que Nazaliko Komona que il y aura un problème, Yako Katana. Alors, si vous pouvez m'aider pour que Ekatana te tokeniti na suka, j'ai besoin Bocha Mitema, Bocha like, Bocha et l'Oronyo Bolingi pour maintenir live Nabiso et Kendeti na suka. Et bandekope au basalité, botage bango, au basalina Facebook, botage bango, botage bandekope. Excusez-moi. Voilà. Nasengaki na bino. Non, nazali ko senga siko soki moyen ezali bo relayer na ba page na bino Facebook to solo la, s'il vous plaît. Parce que je pense que vidéo ya boyé parler ya makamba boyé et koza la susuté. Ndenge na yebisaki bino que soki na lobby lelo na kosomo kipe na makambo ya mboka na biso, c'est-à-dire ba oyo bazali ko dirije biso na ba okipan o ba okipa biso. Nayebisaki bino que lelo soki na lobby, je ne veux plus parler de la soi-disant résistance ou bien bandeko na biso ya apariko. C'est pour cela que je vous demande, ceux qui bandeko, bazate, botage, bango, bien, pour relayer notre live na ba chaîne. Voilà. Et Nayebisaki Bino, Nathan, on a annoncé que je vais parler. À cette époque, c'était juste le problème qui me concernait. Na bandeko na biso, il y a une partie à bandeko na biso, il y a apariko. Par la suite, ces problèmes et qu'on s'est lié à un problème moussoussou. Na bande konabiso, il y a, comment on appelle ça? CCDP, je pense. Mais ce qui est le problème, c'est relatif. ezali relatif. Mais annonce nangai ya koloba ke na koloba, il y avait seulement ces problèmes entre moi et une partie ya bandeko, je pense, misatu ya pareko. Alors, comme problème à CCDP et ko kota na kati, na lobi mais je ne peux pas faire ma vidéo mi balé, na wosala kaka moko. Et c'est fini. Avant la banda, bande kwe belé, ba komprena ki nga ite na live wana. Je n'ai jamais dit que na tiki komba. Na tika la kolobati. J'ai dit clairement que na kolobali sou makambo etali soi-disant résistance. Na makambo etali apareko. Parce que à cette époque-là, moi je pense à Pareko ezalaki lokola moko. Bien que nakati na bango ba rébellion ezalaki moko. Mais aujourd'hui, il me semble avec les documents que tozali kozoa ba communiqué officiel et yekopé sa biso raison de ce que nous disions. Ba Pareko ezali ko semblé ko zala mi balé parce que tomoni décommuniqué ya Pareko et ba communiqué o ebima ki je pense lobby et ye ko circuité un peu live nangai ya lelo. Alors, j'avais promis na pesa ki contente nangai table de matière la fois passée na loba ki je vais commencer par qui est monsieur Yumbi en plus nakoya koloba apareko et puis nakoya koloba résistance et comme vous le savez nakosi lisa par conclusion et recommandation. Na senga ki na bino mukolo wana, s'il vous plaît, bope sangai tan. Ba te bele, ba lobaki, ba live na yo eza milai. Mais ya lelo, en tout cas spécialement, j'avais demandé bope sangai tan. Na silisa, parce que ce dossier na koya li susute kolobela yango. Alors, Tobanda, qui est M. Yumbi? M. Yumbi, azali congolais d'origine 100%, congolais de père et de mère, congolais des ancêtres. Yumbi a botami na famille ya ba chef coutumier oyo babengi Mbangongo Kiyandikola ezali na Bandundu na sous-région ya Kwilu na zone na ebite ba changer ya Masimanimba collectivité de Bindungi. Bindungi peut ezali en quelque sorte chefferie ya coutume de mon père. Mon père azalaki chef coutumier et azalaki infirmier de formation. Ma mère, Madame Lukanga Buyika, yepe na ngambu na ye mwana ya chef coutumier Yumbi na même esika Bandundu Kwilu Masimanimba Bindungi mais ma mère na cheferie mususu soki bokeyi kuna boyoka cheferie na babengi Fumu Yumbi. Ma mère est la fille de Fumu Yumbi. Monsieur Yombi est né à Kitona. Kitona oya ba Kongote, Kitona oya village nanga yezala ki centre médical. Monsieur Yombi atangi école primaire na kati ya secteur ya Bisso, na village na Bisso, yezala ki centre médical. Après, M. Yombi a été kotanga na mission catholique à Kingunji. Après, M. Yombi a été na Kikwit. A été kotanga kuna. Na Institut Pungu. Ya na kata Kikwit, ezali pembeni ya cathédrale catholique ya Kikwit. Institut Pungu, ezali wana. Ezali institut ya ba protestant. Monsieur Yombi a longwe ki kwit aye kotanga na Kinshasa. Soutien mon côté. Monsieur Yombi a longwa ba parent na ye erazaki na 13 ans. Na sisi école primaire, na kei école secondaire. Ndenge na kenda ki na kei na zongi li susu te. Ti Kinshasa. Arrivé na Kinshasa, famille penza ezate. Je suis arrivé chez mon cousin. Cousin, papa na ye, na papa na ngai, bazala ki yaya na leki. Na ye kozwa diplôme d'état nangai, na pédagogie générale, il fallait na kende kotanga. Admission, il faut corrompre. Mbonga corrompre, ezati. Deuxième année après diplôme d'état nangai, na ye kozwa inscription. Na sciences économiques. Mais au lieu de faire 5 ans pour ozwa diplôme ya licence, M. Yombi a salaki 7 ans. Pourquoi na salaki 7 ans? Soutien za la kité. Mbongo m'énerva la mouta kofoute lo azate. Transport à aucune université mouta kofoute lo azate. Je vous jure. Cousin nanga yesika na komela ki azali. Le 7 ans que j'ai passé na université, cousin nanga ti yo kope sanga ite même un centime na futa tike, soit na futa minerval. Po nanini parce que lui n'avait pas eu la chance d'étudier. Abanda yeko dekouraje ngai kakana tangati. Mais Nazaraki n'a pas bonne relation avec sa femme qui m'a supporté. Cette femme m'a supporté. Et l'okonyo sakolia ifunalia. Tango mousoua ko longola mwa ndamba mbongo mouke ya bilo ako ya wenze ape singai. Donc, na okende moulaite awa, j'ai souffert et na teki bilo ko ebele po na futa minerval nangai. Na teki manteka. Kodef sa manteka na babaman bateka amapa. Après, un camarade abandai kote kana wenze ya poste na ville. Aebi singai, tika kote ka manteka, yaka na wenze ya poste, oko banda ko debriye po futa ka minerval na yo. Na bandai kopo na bajuro na zana klase te, na zana kour te, na kei na wenze ya poste. Kote ka ba papier, bilo ba furinture ya biro. Na ebite wenze wana soke ezalibi ekufa. Wenze wana batunyon sa bandai ko benga nga etudiant. E d'ailleurs, babandai ko edenga mingi soke bazali na kooperasyon na bango, ifu bakoti sangayi paske mutu oyo, mwana oyo, aza etudiant kamem azana bezwa somba silabis, azana bezwa somba, voilà. Jusqu'à tel point na yeko koma president ya wenze. Na yeko longwa na wenze wana, na yeko uzwa musala na service na biso ya renseignement. Moutakot sa inga azali politicien, il m'a appelé, pour la tanga déjà kombo na ye. Il m'a dit, pour na makambo politique, kolobaka penza kombo te. Et nazala ki automatiquement affecté na Sonas. Sonas ezali na ville. En réalité, tout zala ki ba agent Sonas te. Tout zala ki ba tout dispatché pour na service de renseignement. Surveiller qu'est-ce qui se passe. Na yeko si sa classe nanga na passi. Na teki mante kande na lobby, na teki fourniture de bureau, na keko tangi sa na école primaire. Nyonso wana kakapona zwa kambongo na futa Minerval. Histoire na lobaka na tambola na pantola madofo leza lukutate. C'est vrai. J'ai souffert. Une fois seulement, papa n'a pas eu au parce que mon père est mort en 1991. Une fois, ma mère m'a envoyé un sac d'arachide, Yangouba. Ma passola déjà, sac Mobimba, c'est beaucoup. Hein? Ba ebisinga, so ke inangaba, maman a eu atinde lio, sac Yangouba, oteka ou futa Minerval. Na kende gozoa sac Yangouba, ba touba yaki nango ba teki ba limoué. Na sala une semaine ba va et vient ko luka bango et j'ai abandonné. Après la mort de Laurent Désiré Kabila, juste la période là après, une année je dirais, Mobulu est au kota, tout le monde voulait sauver sa peau. Na ye okoma na mboka Corée. Na komi na mboka Corée, moi je croyais ndenge to yokaka na Europe. Soki okie yo bwaki ngunda, bako peso esika kolala, bako peso biloko kolia, na suka sanza bazo pesa yo mbongo. Je croyais à ça. Kokoma na komaki. Avant na koma na Corée, s'il vous plaît, bolandanga bien, na senga ki bino temps. Avant na kende na Corée, j'ai fait, je pense, une semaine na Chine, na Beijing, capitale ya Chine. Na tango na zo luka moyen na kota Corée. Un gars qui travaillait na ambassade ya Congo na Chine, toza bandeko ya province moko, na yebi na za camarade ya cousin na ye, il m'a aidé pour na kota na Chine. Pardon, na kene na Corée, na sens ke esikani noko somba biye, esikani noko salaboy. Na tango na zui visa na kende na Corée, aye ko mona nga, yebisinga non, ya un gar congolais avandaka na Corée, atinde la kinga yi mbongo, na sombe la yeba sous vêtement, na Chine za moins cher, na Corée za cher, ce que l'ingi zwa paquet ba sous-vêtement oyo na koyebi saye ero kokoma ayapo ayako zwa biloko na ye na komi na Corée complication na immigration na esika na komelaki mutu oyo na yebi yete na mona yete na tikala ko yoka même les solo na yete. Ngai na immigration interrogation. Pourquoi? Na document na ngai ya visa, na chaki esika na kende ko vanda. Adresse wana na zwa kiango na internet. Kaka na kati ambassade, parce que elle na koti demande a visa, ba bengi nga deux jours après ba lobby, mais ya une erreur o tche location te esika ni nyoko vanda na Corée. Nga bibon, na bope sanga na remplir. Ambassade à Corée à Chine sobokoti ordinateur ezali pona ba client na kei kuna na luki Google na betika ka Corée address na zui address e na yeba ki teke address oyo ezali hygiene kuna batu balala kati complication na tango na komi na Corée comment ocha address ya une hygiene batu balala kati e d'ailleurs na hygiene oyo to bengi noir moko mopaya moko asala akunate bango nyonso bazali ba Congo ba Korea nayebi si bango c'est une erreur peut-être la vraie adresse na bosanaki yango esika nazalaki na Chine. Le monsieur oyo ayaki kozwa biloko na ye ba sous-vêtements oyo atindaki mbongo amoni ke bato nyonso babimi na komaki na 16h tokomi 19h nga naza kaka na bato ya immigration azalaki na Corée azalaki na carte na ye ya azalaki na visa na ye azalaki illégalité akoti na carte ake kotuna bato ya immigration ke non mutu moko akomaki na 16h mais azo bimate autaki Chine na avion boye bato ya immigration babendi ye yakawa oyebi mutu wana nayebi ye te naye kozwa nde biloko na ngai. Bazwi mutu wana foto. Bazwi pe ngai foto. Bake ko chaye na sal moko, ngai pe na sal. Balaki singa ba foto abato mwindu, ba yebi singa na bato nyonso nanyo yebi. Je ne connaissais personne. Yepe kuna, balaki si pie ba foto abato mwindu, nanyo yebi. Yepa yeba ki mutu moko te. Bato immigration ba yego remarke ke oui, en tout cas to yeba ni te. Et c'est vrai. Baye ko bimisa ngai na koti tokutani na ndeko oyo tokei quelque part na fungoli sac na bimisi ba sous-vêtements na ye na pesier ayebi singa na mboka oyo soko yebi anglais te okotambola te so yebi coréen te okotambola te tokei na tika yo na centre place batu mwindu bazalaka mingi comme ça amina yo aoya koluka yo tokei atiki nga wana Amina ngai, azalaki na musala. Ayebisi nga lala kuna, na koya kozwa yo lobi samedi. Lobi samedi aye kozwa ngai. Or, le monsieur o ayayi kozwa ba sous-vêtements na ye. Abalaka Philippienne. Azalaki na ba antécédent deja na immigration. Ko se présenté a kene ko se présenté po aya kozwa biloko na ye po na ngai. Ba ye ko bimisa dossier na ye ya kala ya immigration, ko bengi sabato na Corée, biloko ya ndenge wana, ba ye ko komplike ye. Ba Kongole basali groupe. Soki dossier ya ndeko oyo ya ko bima, ezali pona mutu wana, bo luka ye to kanga ye bato ambasade bakoti na kati. Ba pesi ba mbongo, ya ba Kongole o bazalaki wana bango nyoso, ba pesi bango ba mbongo, ba lukangai. Na ba Nigerien, ba pandi ba foto nangai. Le dimanche, ndekwa ebisi nga ya yine renyo ba Kongole, soko lingi tokende. Tokei na vandi kalm na zolo belo kote, je ne connaissais personne. Na bima boye ba landi nga ya, yoto lukakayo yifuto kangayo. Tome mayo na ambasade. Deja ngayi na kendaki na immigration, ndenge to benga kat na bwaki ngunda. Esika ko vanda ezate, ba ye ko benga un koreyen, a vanda na Espanye, soki a lingia ndi manga na vanda na ndaku na ye. Na vanda na ndeko oyo pandan inane. Na fami na ye mubimba, bana mi bale ya basi. Inane to vanda. Voilà ici quand na kolisa coréen na ngai parce que ba yebi anglais te ba yebi français te kaka coréen na yekoli na ndako wana. Alors na mukuse ba kongole ba luka ngai na mona na kate ba kongole ba yeko découvrir nga na télévision nationale na kei na usine na zosala na usine quelque ba congolais to bande kokuta na bango na usine et puis tellement ba yeba ki situation na ngai baza ko bomba ngai na longwe na usine mutu moko alandi ngai na television aluki usine aye coréen alobi na ngai na landaki yo oza penza mutu ko sala na ba usine te soko lingi yaka na organisation na ngai nazala mbongo ebeleta kofuta yo na bano futo mwa moke to sala ensemble wane zali organisation li bosso ya ba réfugié na Corée musu se zala kite e zala ki pepo na ba réfugié nyon sauté e zala ki pona ba nord coréen ngai mutu na yebisa coréen oyo to koti sa volé ya ba réfugié mususu. C'est moi qui ai cherché ba réfugié ba mboka mususu na banda ki na une ivoirienne abala congolais na ye na ye na mwana na ye na kei na une nigérienne na bana na ye mibale groupe ba ivoirien ba ye par la suite ba congolais ba ye et na organisation o na zaki coordinateur zone Afrique. Après organisation Oyo, nazala co-fondateur ya ba organisation Omso etikali donc à part deux, o etikali nyoso co-fondateur. Ba document ezali sur le net. Alors mes chers amis, nazala ki na posta na tanga. Na kei nazo inscription. Ba boyi diplôme na ngai ya Congo, ba lobi na Afrique, ba université penza toza sûreté. Pourquoi Babo Yaki? Raison Moussou Ezalaki parce que na 2003 na zosala na usine na Boutou usine peli moto mkole usine asala ki erreur na hiver atiki chauffage ya kofungula na bureau na ye akei moto peli et heureusement na zalaki na katite. Biloko nanga nyoso mbongo ba document tout brûlé télévision ya ba to immigration ba ya mutwa na za réfugié alinga kufa tout parti diplôme nanga ya Congo ya licence na ya graduat tout brûlé ba document ezali télévision nationale coréenne ba yaki na tango na zo sala inscription po na tanga na koti si ba duplicata ba sengi na kishasa ba tinera ba duplicata na koti sa bango ba lingi ba duplicata te ba lingi borgino comme na linga ikotanga na zongi classe na Corée na ke kozwa o ba benga ka bachelor na économie na ye ko commissaire susu na université po na zwa master. Na uti ko senga live o ifale na sala ngo na biro nanga me bata sécurité sanitaire à université baboyi mutu moko akota na na ba biro te tout ce que je vous présente ezali oyo ba copie nanga ezala ndako na komisi na université catholique orthodoxe komba université oyo songungwe teakyo en coréen na français Université Songongwe. Ezali université catholique orthodoxe. Kuna na ye kozwa master na ONG. Voici diplôme nanga ya master na ONG. Voilà. Songongwe University. Babi diplôme na Inter-Asia NGO Studies. Yangwana Monsieur Tona Yombi. Master, wana ba kache investe, ba koreye bazala ba kache oyo bozomo na oyo, ezalif ba kache na bango. Bo comprendre te me bango ba yebi sa signifie kwa. Wana di kache sec ya université yango wana. Na silisi wana, avana continue, ezalina ba elema mususu na kopesa awate po na sécurité nangaye. Na yebi très bien na mboka Corée soki na pesi ba information a boy. Mutu mboko te Milouvor ou bien El Kabelo mutu mboko te akoya ko déranger nga na Corée. Corée za mboka nga na vanda. Autorité mboko ba yebinga. Mais na mboka lokola par exemple na Canada. Ba Canadien ba yebinga ite. Autorité canadienne ba yebinga ite. kuna boyebi ba milouvor bazali ebele. Université na biso na tangsa na Canada na kopesa yango te. La même université esika na silisa po na doctorat na ngai. Soki na pesi bino yango awa, na kendaka mboka wana presque chaque deux mois à cause ya COVID mikolo yo. Boyebi mboka ane zali mboka ba milouvor. Diaspora nyonso esika ba milouvor, ba vanda, ba bota, ba bota, ba bota, ezali mboka Canada. Na komi tchana risque mokoti. Na tango, nazali ko kende ko sala ba va et vient na Canada. Ko tanga, na ye ko zwa diplôme na ngai. Ba ye ko angaje ngai na Gwangju University. Université de Gwangju. Ezali na sud, partie sud ya Corée. 220 km na Séoul, capitale. Na tango ba angaje ngai, liboso ba angaje ngai lokola professeur assistant. Attention. Bo confondre te assistant na système ya Congo, na assistant na système américain ou coréen ou japonais. Na Corée, Japon, Amérique, soko boyoki professeur assistant, c'est un docteur, mais au bandi état pa liboso, ba benga ba professeur assistant, ozali professeur, assistant. C'est-à-dire, ozali ko assister professeur mususu te. Titre wana yango ba pesa kaka bongo professeur assistant, ozali na ba cour na yo moko ozali ko tangisa. Bande ko bavandi na Canada, bande ko bavandi na États-Unis, bande ko bavandi na Corée, o bavandi na Japon, ba koyi ko bima a ko yebisa bino. Voici lettre mukanda na ngai ya engagement ya Gwangju University. Ezan na coréen, soki botali wana bokomona université ya Gwangju, Gwangju University, et na barre wana numéro matricule na ngai. Na lingite batu bazwa yango. Mais mon nom ezali na anglais yango wana. Alors, caché ba coréen yango yo, bokoyi ko zwa ba photo ba milouvor na El Cabello, bokoyi ko tuna na ba ambassade ya Corée, bakoyebisa bino elingi koloba nini. Bino bokotanga yango te. Alors, o ezali lettre nanga liboso ya emploi en tant que professeur assistant. Na pousani après na sisi betape nyonso, ba monike oui, ba kote nanga ezali malamu, voici lettre nanga yi certificat d'emploi. Awa sikoyo, nazali sous assistante, je suis devenu professeur full. Voilà. Kombo ya université, yangwa bozo mona, Gwangju université, na papier wana, caché ya université yangwana, kombo ya président université na signature na ye, caché sec yango yo bozo mona, et bozo a photo wana, ba koreye bazala na machine pona kotanga, ba caché wana. Na kati awa ba lobi, bla bla bla bla bla, yombito na azali engagé comme professeur, c'est ça, professeur, pas assistant, professeur. Yango yo. Na tango na bandi ko tangi sa université mususu balingi ko yibanga université publique. Chonam University. Ezali une université nationale. Voici lettre nangai ya emploi. Na université na Corée. Mutu moko ko yiko tangi sa ba université mi balete. Oza la koto professeur full, koto professeur full te. Université o nationale ba yibisinga na longwa na université o aliboso na kote pa na bango. Na boyi parce que nazana ba relation ki toko na bango. Université nationale oyo ba coopérer na université o aliboso. Soki moyen ezali na tangi saka kuna. Ba luki façon ya ko zwila ngai ba oui bon. Lokola toko ko engager te professeur full hour mi bekwe boyi. Ya des congolais qui sont professeurs en Corée ba ko yiko yako yebisa bino ango. Na université oyo nationale ba engager nga lokola professeur visiteur. Voici Komba Université, Chonam National University. Na barre numéro matricule nangai. Voici lettre Oezali original. Ya emploi. Soki boye bi anglais te, balobi certificat ya emploi. Ozali komona esika na bakomi. Kombo nanga yangoana. Depuis 2016 jusqu'à présent. Voilà. Caché, il y a université wana ezali voilà yangoyo caché na bango yangwana ezali original caché yangwana et si kana tangi saka na département ya ONG pona bana na biso ba doctorant na ya master. Na longwe kuna na yeko koma président ya une organisation Asia Pacific Refugee Rights Network. Na mati, na mati, na mati. Na tango na zo sala awa, na kei na Genève. Na o commissariat pour les réfugiés, direction générale les ans à Genève. Consultant depuis 2010 jusqu'à présent. Ba carte nangai. Na lakisa yango déjà, yangoyo. Mes cartes sont ici, yangoyo. Na longwe na Genève, na kei na ONI na New York. No Governmental Liaison Service. Depuis 2015, jusqu'à présent. Nyoso oyo bandeko, batu nyoso bazomona. Soyo ke ina gulu bokomona, sauf ba Congolais. Sauf ba Congolais. Na ko sili sa point wana awa, na senga kibino bo pesa ngatan, na ko senga, excusez-moi, na senga kibino bo pesa ngatan, parce que na ko zonga li susuti. Awa parce que batu balobi okoyi ko salisa ba document wana o salisi on ne sait jamais voilà nazo tiela bino moi vidéo moke ya peut-être ba seconde ezali une télévision coréenne ba bengi Arirang TV ezali une télévision ba emetaka na anglais. Excusez-moi. Who now teaches at a Korean university. He too had many challenges to overcome. Rides in its refugee policies. Met with Yombi Tona, a Congolese refugee who now teaches at a Korean university. He too had many challenges to overcome at first. You know, at that time, when you apply for the refugee status as asylum seeker, you don't have the right to work. No job. And you can imagine, no job, no house, no clothes, no food, no medical, nothing. He had to do everything he could. Wana ezali interview ya television wana ezali toujours sikoyo ezali toujours d'activité. Après, voilà. Wana même université botala bomona ba image ezoya. Université yangwana a bandeko ya Facebook mawa voilà ngai wana kata classe Bon. Na okende mulaite. Voilà. Na kosenga na bino débat oyo e katani. Bandeko oyo bazali ko benga bino na Kore, Congolais azali motema mabe. Na koyebisa bino. Nazali franc avec vous. Congolais mokote na mboka Kore. Je dis bien, Congolais mokote na mboka kore, oyo asala exploit na mboka kore, kole kanga yazate. Je dis bien azate. Et quand vous demandez mouté mama bezo ou tawa, nanga moko na bana nangai, to comprenna kate pourquoi. Namiria ba Congolais na kendagate. Oui, ça c'est vrai. Na kendagate. Po bouzo ba eza mingi. Alors, to kota siko yo na deuxième point. Ndege na lobaki apareko. Mes chers amis, ngai na koti na résistance leloti. Na koti na résistance banda 2003. Na komi na Corée na 2002. 2003 nga na bandi résistance. Résistance wana soki bolandi batu oyo ba ya potokala. Batu oyo ba koma potokala. Oyo bayebi Radio Tchondo. Radio Tchondo. Ezali parmi ba radio ali boso. E banda deja banda ba 2000, ce qui 2000 combien? Na leka na Radio Tchondo vers 2003. Radio Kimpwanza. Radio Tchondo na ebite soki eza toujours. Radio Kimpwanza. Nande kona biso Frank Sandokanda avandi na Allemagne. Na leka e panaye. Radio Lisolo. Baye bingai. Na leka e panabango. Radio Bendele qui appartenait à la Pareco. Na leka e panabango. Radio Bonsomi. Mama Mimi est là. Na leka e panabango. Mais ce que vous entendez, yombi aye na résistance na 2008, na 2018. Ça c'est une maladie. 2003, Nazala qui le seul qui intervenait à partir à Corée, le seul Nakoro Babatumi Balé qui intervenait à partir à Asie. Ndeko Moko Pazaki na radio naye Radio Congo Net, Ngoyi, Lambert Ngoyi, il est là au Japon, même les lois comme Kofinganga. Il m'appelait déjà vers 2005. Papa Lelo Yaka vraiment na radio nanga ipo yo soko zoloba batuba yaka toujours. Les lois à sincérité, makila ya tribu et gangi, akomi ko wanga nangai. Nga na kutana na Jacques Matanda na ba radio oyo. Na leka na radio Lisolo, je pense. Ba tuninga question. Olobi nini na bakasho ya ner oyo ebele bele bakanga batu na na kuzu. Na yeko lo babatu nyonso oyo ba leka na aner, ba chef ya aner, ba zali ba kriminel. Journaliste a continue question, oh, ba kriminel, na honore mbanda? Nabi, mon cher ami, mutu nyonso a leka directeur général na aner, azali kriminel, ba kasho wana, bango batu ba sala yango, ba o ba yasika, ba tika ya, ba kuta yango, pe ba tika yango. Meshe honore mbanda, a été aussi, directeur général Yaner, ye akuta bakasho wana, ye pe atika yango akanga yangote. Monsieur Honoré Mbanda a sepe la kite. Alanda kingai. Deux jours après a bengi ngai. Na mungongo moka komata. Yo zali nani. Kabi, oh, nga za mutu. Te, na yebi yo te. Na za kongole, so yebi nga te. C'est que, même si on sala recensement dans Congo, il y a des Congolais qui ont sauté. Après, quand on tombe dans le Kitchamongongo, to sololi. Aye, si on a sauté dans le Kamboleki, l'Ukangai, to solola. Et si, li, vers 2005, je pense, Ngana est to solola ka sauté. Makamba Félix au Erebandi, bolandanga bien. Makamba Félix au Erebandi. Na yeko zwa appel d'un certain monsieur. D'abord avant ngai. Na yeko zwa appel wana. Na yebi monsieur Mbanda a travaillé na mboka na biso. Alekina Nair, Alekina ministère à défense, Alekina conseiller à président. Nabandai kolobangwanda vivant. Soki na sepela kanaye, azali na koyi koloba l'unique ou bien rare ba politicien na biso, ayebi ka salaki mabe, azalaki na régime mabe, a reconnaître mabe wana ya régime wana, aye ko senga pardon, pe azali ko futa makambu wana na ndenge na ye. Par rapport à ba politicien mususu. Asali mabe, ti le loa ko reconnaître te kasali mabe. Gizenga ti akufi, ati ko reconnaître te kasala mabe mkolomoko. Tshisekedi ti akufi, ati ko koloba mkolomoko te kasala ki mabe. Me to mona ba pandezon, Tshisekedi azo defendre, to pandre batu wana. Mbanda a été le seul, ya koloba oui, na leka ki esika ya mabe, na ndimi, na sengi pardon, bo limbi sangai, bo ndi mangai, to travailler elongo. Voilà la nuance. Alors, na yeko zwa appel d'un certain Patrick Lukika. Non, naza secrétaire général ya Pareco, président zana besoin na yo. Bo solo la. Je ne connaissais pas Patrick Lukika, même bata Pareco et belé la bandaye babante, je connaissais seulement Honoré Mbanda et Candido Keke. C'est fini. Le reste na yeba ki bangote. Na ebisiye monsieur Lukika, merci na kusola na yema. Na zayi na badout na Lukika wana. Il faut na vérifier atindelinga ba preuve que oui, azali secrétaire général ya Pareco. Mais en tout cas, j'avais négligé. Deux semaines après, c'est Candide qui m'appelle. Candide toye bani peut-être banda kala ba 2008 ou 9, kaka na réseau boye meto solo kate. Ba commentaire kaka tché loko yé pas commenté. Ngapena tché yé pas commenté. Kaka ndengo na vice versa. Candide me dit, professeur, le président veut te parler. Nabi, ah, nazo qui appelle Moko Yamutu, Moko Boy. Ah oui, c'est notre secrétaire général. Bon, to fixer rendez-vous un samedi. Ba benginga. To sololi na ye koye bisaye ce que je fais. Njokande e kota ki na mutema. To kati li solo e siri to yokani. Ape singa mwa ba conseil na ba live na ngai. Un jour après, pour aller bisinga li kamonyo, so zanango besoin, yebisa mama Candide, a koye bisangai. Un jour après, M. Mbanda m'appelle Yemoko. Alobi nanga lobi, ezala ma solo moto solo laki, na linga yko solo langote, to zalaki na mama Candide, na linga ki ngayi na yo, temwe azalate to solo la. Pardon bandeko, bola nanga awasiko yo. Bola nanga bien. M. Mbanda me di, na ma solo to solo laki lobi, makambu mi bale, e touche nga na lingi to solo langa na yo. Un, na landaka yo na tcha batu ba Sylvia ka ba live na yo nyoso ba tinde la kangai ba resume o lobi nini na zana ba service na nga ba lande la vi na yo na mboka Kore bisika okenda ka partout Europe ba Genève partout oni na New York na monike oza moto na zana besoin na yo eloka mi bale na yo ka yo na yo ka yo flash o sala ki ozali ko sala na bato ya service ya molili ya ba koreyen. Ayebisinga eloko oyo. Oyebi leki na ngai service na biso ya molili ezali mécanique. Mais oyo ba mboka lokola ba kore ezali kaka mécanique te électronique. Or monde ya lele komi électronique. Et pas na biso ba makoki ezate, c'est mécanique ba papier ko vérifier na linette ozo ba zoom. Alors les qui n'engagent dans un dossier belé dans un besoin na yo. Bah détail nous sous n'accompé ça te. To bandi ko travailler na yo. C'est vrai. Namboka Kore. Ko banda 2010. Non, banda 2009. Ti 2010, 2 ans. Na banda iko mo na batu suspect pembe ni n'engagent na université si kan na banda iko tanga. Bakoye na ba identité moko lokuta tozana projet moko na Afrique sali sa biso bon boya na ba papier kasi ya projet na biso ya projet na bino bakimi bazoyate un mois, deux mois, mususu bavia pendant deux ans. Na yeba kite baza banani. Mais nazomo na kaka bato bazo ya ba suspect mukolomusu na yebi si mama bananga a yebi singa bon siko so okeyi meka kozwa ba evidence obombaka. Mes chers amis, na 2010 ba yesiko ba fungwa mi bango ma balobi non tozali bato ya service ya mulili ya mboka oyo tolandeli yo bando koma na mboka na biso tokeyi na Congo na ndenga kuku. Est-ce que mutu aleka na nzela wana na Congo? Est-ce que akoki ko salisa biso to monique non okoki ko salisa biso to solo na bango na tuni bango na sens na ko salisa bino ba yebi singai po na bato ba ndeko na bango bazala Corée du Nord. Voilà to lingi to landela bango na bamboka Afrique ndenge bakendaka. En tout cas yo il faut aider biso parce que il y a des places na Afrique biso to ko kendete po na poso na biso. Donc ça a détecté rapidement na groupe ya ba coréen ya nord. Boyebi ke batuana mukili mobimba to lukaka ba empêcher bango bazala na ba bombe atomique te. On a travaillé depuis 2010 na bango. On a été partout. Na kati kunanga mission na ngai zalaki mibale. Ko sali sa bango na ko yeba ndenge nini basala kama kambo. Moi et Honoré Ngbanda, nous nous sommes dit na mema ce que j'ai eu pendant 10 ans et pas ba coréen na service na bango oyo. Mais c'est Ngbanda a travaillé na service na biso. Na mema oyo na yebi connaissance na ye connaissance na nga na bato ba coréen to sala po na mboka na biso. S'il vous plaît bola nanga bien. Il y a beaucoup de dossiers. Eza ebele na koloba awati po batu bako kufa. Ba dossier par exemple ba 5e colonne. Ngai na initiative na nga moko na bandaki pe ko surveiller so ekulu to ayebi singa eloko boy. Nga na ko utiliser service ba koreye po na vérifier eloko na soki ezali ya solo. J'ai découvert beaucoup de choses. Kuluta yego yebi sangai bon. Ba dossier bele a pesa kinga sali sanga boy sali sanga boy. Le problème o bino boko yiko yeba ya kuluta Ngbanda c'était quoi? Alobi lito tozali ko sala tozana mbongo te. Nyoso mona kana bimisaka. Oh non, dossier moko boye ya kuku ezalaki ya ba Rwandais, dossier boye ezalaki boye, ezalaki boye. Ngandenge na kima na service na ngati. Nyoso nazali nango. Oyo nazali kobimisa. Na somba kana mbongo. Ayebisinga leki nanga na teka mapango. Yomoko yebi kozwa ba information aboye, sa demande de l'argent. Po na nini? Po service na biso na Congo ezali mécanique. Me bino epai yo zali. Ezali mécanique te, ozana bezo kuto akopesa batu mbongo te, ba pesa yo ba information mususu. Okoyi ko leka yo moko na sia mulili yo koyeba yango. Yango leki nanga na zana bezwe na yo. Eloka mi bale mbongo ezate. Oyebi biloko tozo sala poto balo samboka na biso. Toko shanjango na be eleksyo te. Sa demande l'argent. Leki nanga yo zali na carnet d'adresse. Oyebi batu bapesa kamwa ndamba misolo. Okoyi ko sali sa biso. Na pesa kurutu ba condition. Apareko na forma na ngondenge zali. Kurutu boko zwata un centime te. A condition. Boke neko sinye ba deal. Yako boma batu. Ngana ko konseyo eloko anate. Mbongo ezali. Batu wako yiko pesa mbongo bazali. A condition boza la clair na ba dokimana bino. Kurutu ayisi nga ban. Toko sala boye. Ifo kota. Na réflexion moko bazali ko sala. Na boyi. Na bikulu tunga la linga biloko ba association te ba parti politique. Je suis un citoyen libre. Ngai so na linga koloba eloko na koloba librement sans un dictat moto dicté ngai loba boyi koloba boyi te. Je n'aime pas ça. phrase moko ayebi sangai leki nanga olinga boyebi ki azala ki pe mwanda ba dictateur olinga olinga te okokota ezali po na mboka na yo ezali po na yote ezali po na famille na yote ezali po na mboka na yo olinga olinga te okokota Candide me contacte ne esika ona ko yebi sabino ke kuluto no rengbanda ne m'a pas protégé Na ke kokota na réunion wana. La première des phrases, Madame Candide, apesa ki bolimbi sa natanga kombo na ye. Parce que batoum souba ou comprendre te. La première réunion, Madame Candide a lobi a watoye vérité nde, vérité. Tolo ba vérité. Oyo nyo so yebi. Eza la biso apareko to sala kamabe, loba yango. C'est moi qui ai demandé. Madame, o lobi vérité. Batou bako silikate pa, parce que moi je connais des Congolais. Papa, awa toye na réflexion vérité nde. Toba niko solo la. Na yeko tout na question, est-ce que je suis dans une réunion de l'IDPS? Ou bien ezali réunion ya résistance? Parce que na zo mona c'est un dictat. Moi je ne suis pas un petit enfant. Bo me mangana kata réflexion boye, na ya na vandi nan di mama kamunyo sobino bolingi. Mais pourquoi Bolinga qui tose en réflexion? Venez avec ma décision, Balamoko. Bandeko, c'était question. Yako Luka, un représentant a représenté Bisson à niveau international, na sina loba yango. Nako tika la moulaite awa. Batoubaye ko pesa ba kombo ti, ba kombo mi balé yo koutana. Discussion e bandi. Kombo ya yombi, na kombo ya honore mbanda. Bandeko mubulu e bimi. Ngaite. Mubulu e bimi na bandeko oyo ba proposa yi kombo nanga. Na o ba proposa yi kombo ya Monsieur Honoré Mbanda. Et pourtant, c'était question to luka. Mais batu ya bandeko ya pareko. Na ba o msou ba yaki na bango. Fet baza batu apareko me baka moufle bango. Ke non, bazali kaka batu. Ba résistance simple. Ce sont des gens de la pareko. Yango na tuna ki Madame Candide. Mais comment nous sommes allés tous dans la réunion moko ya pareko bien résistance tous dans la réunion à IDPS ou bien il y a la résistance parce que nous sommes allés dicta Madame Candide me répondra oui esa réunion ya pareko te me bata pareko bazai bili proposition wana monsieur Yombi na Mbanda moko na bango ndeko moko azole kapé mingi ko finga ngana ba video atomboki alobi boliko boma ngwanda vivant Na résistance oyo mutu mfa ko représenter biso te kaka Mbanda, Mbanda ou jamais. Boliko bomaye vivant. Batu batunye mon frère. Awa ba lobby batu baye na carnet nini ba plan ba point à ordre du jour ezali batu pareko. So ki baye ba ke kaka Mbanda ou jamais. Pourquoi baye ko proposer to proposer batu bazala isika wana batu mususu. Il fallait baye ba lobby pona biso Mbanda za représenter biso na niveau international. Ndeko moko atuni bango question. Supposons demain, réunion moko ezali na ONI, na New York, na États-Unis, représentant na Bissot, à Kende. Est-ce qu'on aurait un mandat au Kende? Bandeko bakomi, oh non, bon, tokotala, mais azala nam, tokotala nini, bandeko balobi, kouluto onore un mandat to longoli yete, mouta bengani yazate, tozo luka président ya résistance te, tozo luka représentant au niveau international, au niveau national te na Congo, au niveau ya diaspora te mais au niveau international c'est-à-dire mutu wa banda kozwa mungongo ya ba résistant a kende na ngona ba instance internationale lokola ONI lokola Union africaine lokola Union européenne lokola SADC ndenge wana bande ko baye ko ba mutu ane fois ala mobile mutu azana besoin ya ba démarche ya ba visa te mutu oyo azana mwa misolo réunion ya dirigeant ce que zali mbala moko avion tike boko zongi sele sima ye moko abimisi mbongo afuta tike na ya kende mutu o azana problème ya sécurité te or kuluto nore mbanda akoki ko bimate akoki ko tambula te mobulu e bimi réunion e katani parce que bato bapesi ba argument ke non mais c'est yombi pe se déplacer facilement rapidement il peut payer son ticket sans bosenga cotisation Mais c'est Yombi a sa carnet d'adresse na niveau international. Réunion et Katani. Nana Kataki réunion. Ndeko na biso mama Candide. Ayeko benganga, après une semaine ou deux, prof tomoni réunion à toti kaka président lobi. Il me dit hier azo ebate ke ngana kulu tonore ngbanda to solo lak. Alobi président, le président a dit toti kaka makambona lokola batu baswana ki. Nga bo problème ezati. Mais honoré ngbanda kufi lelo. Deux jours après, madame Candide m'appelle. Non, président va koufa. Atiki maloba lobi réunion to bande ko sala wana. To continue ango, to tikate, to continue. Mais comme a dit. Monsieur Mbanda était quelqu'un responsable, attention. Aye ko loba to kata makambwana batu baswana ki. Aye ko koufa non, atiki maloba. Et pourtant, ici, a koufa ki, madame Candide a zalakite. Nga na tiko yoka maloba te, famille balobi non, ava kata mouté maloba ki ba réunion o abande ko sala wana ba continue ango. Alors, mes chers amis, Siko Bolanda, ngai na madame Kandi, toza ba miya bie banda kala, to solo laka. Na pesa e confiance, na pesa anga confiance. Nandi melaka ye, andi melaka ngai. Ngai na koi kondi mati. Ndeko na biso ya mwasi. Akene dans une réunion. Même si ba proposé ye ngai. Nga naza mouta pare kote. Naza membre ya groupe na résistance te. Po na ko yako boto la leadership, boto la place. Ya batu loko la parti politique ou bien association loko la pareko. Il faut zala d'abord membre ya pareko. Ba texte zali. Yombi aza membre ya pareko te. Mais comment expliquer Yombi ayako panza pareko pour akoma président ya pareko bandeko même au souka na école maternelle c'est facile à comprendre pour akoma président eloko wana il faut d'abord okota na kati naza ni membre pareko ni membre effectif ni membre sympathisant ni membre d'honneur naza te atane eloko moko. Ndeko ayeko loba nazali mutu ya bamindele, bon voilà. Tout ce que ça a donné, ngai na siliki. Bandeko ba lobi o siliki, woye na video, pourquoi pesa ki chance tebo solo la. Je vous ai dit. Tozwa rendez-vous nan ndeko nanga a mwasi to solo la. Ndeko nanga a loba pendant 50 minutes. Bon, to loba nan pendant 27 minutes. A lobi atike linga chance te na loba. Na lingi na loba bo ya kati nga ya lobi na lingi makambu wana te. Mutu nga isa pasi. Ndeko oyo akati akei. 5 minutes apre ndeko ya mwasi a bengi nga lisusu. Oh, limbisa loko na kati ndengu wana. Mutu isa biye te abi. Madame, je vous ai compris. Toko sola mkolo msu promesa te. Akei te a continue ko loba pendant 24 minutes atike linga ta 1 seconde te. Akati akei. Nasalani. Ezra ki opportunité ya ngayi na yeto solo la makambuana. Bon. Sikoyo tokota awa na dossier oyo. Tolongola nano oyo ya ba université. Bozali convaincu. Ba photo ya ngona peut-être bokangi ba screenshot. Bokende na université. Bebo me mango na ambassade ya Corée. Po Congolais alingi ba preuve, pesa preuve, pesa preuve. Voilà. Bandeko, monsieur Honoré Mbanda travaillait comme Mobutu. Yozo kanisake Mobutu azo pesa yo confiance. Ozo kanisake oza yo moko. Te oza yo moko te. Mobutu travaille avec beaucoup de sources. Yo zoye bate ka coopérer na oyo, o azoye bate ka coopérer na oyo. Elle moko pe a tout ici binomi tout. C'est comme ça monsieur Mbanda travaille. Bande ko soki nga na ndimaki na travaille avec Kuluto Honoré Mbanda. Ezala ki pona mboka na biso. na sali presque 20 ans na Asie. Na koti na makamba politique ya Asie na Corée. Na koti na niveau régional ya kosali sabato. Et si ka bakagi ba réfugié na bamboka Asie ngai na kozo avion na mbongo na nga na kayi ko défendre bango. Ndenge na utiko na biloko e memanga iti na oni. Biloko e memanga iti na o commissariat pour les réfugiés. Na lobi na 10 ans nga na sali na ba service ya molili ya ba coréen. To sangana na kulutu mbanda, to sali samboka na biso. Mes chers amis, boli mbisanga. Ndenge na zoe bisabino boye, na zali sincère et saint. 10 ans na sali na bandeko ba coréen. Façon ya ko sali la ya bata molili ya ba coréen. Ezali façon ya ba américain. Ezali façon ya bato ya Israël. Na yebi sango kulutu. Yekuta sepeli parce que azala na Israël. Ba plan na biso ezalaki. Batu oyo bazo kote la mboka na biso to kote la bango pe na ndenge ya CC. Na ba servi parce que ba ndeko ba coréen na lelo to sala na bango même si na kata mais il y a des dossiers na sala kana lelo. Na biso kuluto kutiliza ngo. Soki ba Rwanda ba kanisa kaka bango bato bazana ba service wana biso peto yebi bandeko ba coréen na yebi sa bango esika na yebi sa kabino na zwa biloko nyoso ya ambassade ya Corée ya Congo na Corée ambassade ya Congo na Chine ambassade ya Congo na Japon to zwa yango na bandeko wana. Ba Rwanda lokwa bazobo mabiso biso to kote la bango na ndenge wana. Kaka bango te na bandeko na biso ba Congolais o bazali ko collaborer na bango to kokote la bango to zwa pe biloko ndenge wana. On a des moyens. Ba planning na biso ezalaki kuluta concevoir ngana utiliser service ya bandeko na biso ba coréen to découvrir makambu comme ça to banda ko papula bango. Mais ndenge na uti koloba il m'a pas protégé. Na tango atindi ngai na ke na réflexion oyo na bata résistance. Kuluto mbanda devrait me protéger. Errer a salaki a protéger ngati. Kuluto na yebite soki a yebaki ou bien a yebaki te. Que na kata réflexion wana ezali na bande ko mususu baza stable te. Ezala bande ko mususu niveau d'étude na bango ezali na C. Ezali na bande ko mususu bazali na besoin ya positionnement politique na bango na yebite soki ndenge nini. Ndeko moko azali ko leka na ba video ko finga ngai. Soki alobili kambo ozo yoka tout le monde sent que ndeko oyo alingi ngati. Quand il prend la parole, bon, c'est toujours professeur Yombi qui croit peut-être c'est lui qui a étudié, ben écoutez, nous aussi on a étudié. Ndeko, qu'est-ce qu'il y a? Et ndeko, ou a bandeko, déjà, ma réunion, maman Candide, silence. Maman moko ya pariko, avant en Allemagne, a tomboke la ndeko oyo, zala na respect na batu. Moutou oyo zo lo baza professeur, zala na respect. Tozo mone loko amabe a lobi awate. Ndeko wana pete la zaki na ba antecedent na ebandakala. Candide devrait dire ndenga bandeko yisa batu que le président a dit respect na batu nyonso bazali awo asalela ki angoti. Il y a des choses awa batu ebele na tango na lobaki na koloba batu ebele ba bengi ngai na yisa ki bino ke nazali na dilemme na postaki botika nga calme. Ba groupe mi balé. Groupe moko loba vérité, vérité bima, vérité bima, vérité bima. Ndenge na lobaki. Groupe mususu kotumba mboka te, kotumba mboka te. Tala point moko kaka olobi. Moko kaka lika ma invitation. talandenge diaspora et panzani. Soki oyeko bakisa mi balé mi satu. Eko zalandenge ni. Nako tanga bakomba batu awate. Ba paroisse ba bengi ngai. Lubumbashi, Mbandaka, Kinshasa. Wana kadre ya basango. Bandeko mususu oyo, les intellectuels, na yeba kate njoka neba kongole, toza ba intellectuels e bele boye. Ba lamuki, tout le monde in box. Prof, attention, prof, attention, prof, attention, prof, attention. Na yeko decide, il faut na boya ke échec ya diaspora e ya bacha yango na mutuna ngai parce que façon stature oyo ya diaspora ya résistance na biso ndenge ezali. Mes chers amis, je vous dis ezali échec. Ndenge résistance na biso ezali. Mes chers amis, je donne ma tête à couper. Ezali échec. Le problème, c'est quoi avec la résistance? Ezali groupe yabandeko. Ba commissaire résistance, loko la fonction. Moussala. Bazali bato oto koyiko benga bango lokola ba conservateur. C'est-à-dire ba conservateur bazali bato o balingi changement te. Ba conservateur na ba libéral ba tutanaka. Ba progressiste balinga ko avancer, monde ezo avancer, bango pe bazo avancer. Mais ba conservateur balingi ko avancer te balingi kaka ndenge bazali na statico. C'est pour cela bozo mona soki batu baye mutuaye ya sika na kati ya cercle oyo ba bengi résistance ako faire face na moto. Condition ezali kaka moko. Soki ondimi makambo nyonso bango bazo sala ba accepter yo na résistance. Mais ce que contredire bango, ozali une personne à abattre. Na lobaki yango, nazali na camarade na yo mutozo landangai. On peut avoir ba divergence na biso. Lelo to potani lobi to koyiko bongisa. Mais avec biso na Congo, na résistance en particulier. Ce qui nazali na conflit na ndeko oyo. Ba camarade na ye nyonso ba koti na conflit wana ba zui par na ye sans vérifier problème ezali nini. Nani andimi échec ya résistance ezala na mutu ya yombi. To sali plus de 20 ans na résistance. Batuna batuna ndenge na bango. Résultat penza boyezate. Pona nini? Ba kombine ezali ebele. Na kata résistance ba bengi, ba groupuscule ezali ebele ebele. Oyo bazali bato muziki. Bango nyonso bato ba résistant. Oyo bazali ba copine, copain copine. Bango nyonso résistance. Oyo bayebani a parti mboka. Bango nyonso résistance. Alors, ce sont des groupuscule ya résistance. Oyo ke soki oye ko contredire moko na bango sous ensemble moko contredire ba sous ensemble nyonso ba tourner contre yo minduki. Alingi ko zwa leadership ya résistance. Leadership ango ya résistance ezali wapi? Structure ango ya résistance ezali wapi? Président ango nani? Secrétaire général nani, ba trésorier ba nani, La résistance est allée anarchique, chef azate, ezate. Mutuna mute si kozo la nanga nanda kunde konangaï. Ozali résistant, ozali résistante. Chef azalakate. Oyo yombi aligni koya kozoa. Présidence ya résistance, ezali wapi. Élection esalemaka wapi. Nayaki na mutema kosali samboka nanga. Mutema pasi. Peut-être, na koyiko lo bate ke nazana ba erreur ti. Erreur na koyiko lo be pa nangai. Bande konyo so ba benga po na ba conseil na yebisi bango. Vrai. Nazalaka impulsif. Soki na moni e lo kwezo tambo la biente na bomba kate. Mukolo bo kuta na ba nanga ba yebisa bino. Kotanga kombo ya mwana musute soki azate. Soki botangi kombo na ye na ndenga mabe. Deka zo koma na ndaku. Ngana kobele la. Ah, ozalaki te. Tobandai kotonga yo. Ta, tolobaki bo ye. Alobaki bo, alobaki. Donc, ndaku nanga lelo. Muta tonga ka mutu. Soki azate, azate. Donc, et si la. C'est comme ça je suis. Bandeko botu na. Pourquoi messie yombi oyo. Nazomo na ndeko moka zo koma na koreye awa. Kombo nazomo na za, aza kongole. Ube kongolese. Botu na ndenge ba koreye bazalaka. Ce que j'ai compris, conflit au bozomona entre Ngana Bande Konabiso, d'une part, ezali problème ya culture. Culture ya asiatique, na culture na biso ya Congo, ezo simbati. Erreur nanga peut-être ya mwana, analyse ma B, je me crois peut-être na milliard asiatique, or nazana milliard ba Congolais. Ba asiatique soko lobi makambo, ni kambouana e benda ka matata. Oke neko detruire moninga, azam mutu oba bo makamboka na biso, pona ba jatik ezalaka somo. Voilà peut-être, na kote na ngayi, o na koyiko lo bake, pardon na bandeko balandaka biso, ezali ke, na salaki analyse mabe entre culture ya zi et sika na zali, na évolue pendant plus de 20 ans, na culture ya biso ba kongole. Ba koreye ba benga ka wagin so, et loko nyoso ko sala. Vérification nango il faut ezala. Bandeko oyo nyoso ndenga na lobaki. Il y a des histoires na lobati. J'ai vérifié tout le monde. Tout le monde nandenge ke o tozala bango na ba conflit oyo. Baza ba nanyo juste. Et maintenant la question qui se pose. To tumbamboka, ou bien to bomamoto. Soki to tumbi mboka, ezali ba hypothèse na zozwa. Soki to tumbi mboka, boyebi ba Kongole ndenge ba balso ya makambo, lelo ba konflit ezali, mais na diaspora, tout le monde bazolo ba yombi a tumbi mboka na Odombo, na Candido Kiki. Ba tumbi mboka. Batuana baza boni, baza misatu, yombi, odombo, kandido kiki. Mesoki yombi, kandido, odombo, bazo tumbamboka. Diaspora ngo resistance toza batu boni. Pourquoi bino bozo continue te? Boti kananu biso misa to bunda. Comme ça, bino bo continue. C'est pour vous dire que Odombo est un leader. Yombi est un leader. Candido Keke est une leader. Tokoki ko bunda. Mais à un certain moment, on peut se dire stop. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Ngai problème nangai ezali vérité. Nyoso bozali komona avec notre frère, ba frère na biso a CCDP. Et loko mususu ezate bande ko nangai. Naza membre à CCDP teke na ya ko wele na koma président CCDP. Naza membre à Pareko te na ya ko wele na koma président à Pareko. Naza membre à groupe moko te à résistance na ya ko wele na koma président nango. Non. Naza na misale bele. Na ya ki na ba service nanga. Naza la ki na volonté à ko proposer ba réforme na biso. Pourquoi tozali ko koma na résultat te? Mais je remarquais que bandeko ebele bazali na bosoloté. Likambo ya invitation oyo. Na siko ndenge nazali koloba na bino bandeko na ngai invitation oyo ezali ya soloté. Pesa preuve. Nazali na invitation awa ya esika kaka wana moko esika invitation bandeko na biso CCDP utaki. La question qui se pose, pourquoi deux formats ya invitation? Ce que botali invitation bandeko na biso CCDP format mususu ba logo mususu. Numéro à téléphone mususu. Ngai na ndimaki teke makambo oyo ko benda mindondo boy. Yango na zoloba. Nazo senga bolimbis na bandeko o balanda kabiso prof en tout cas o décourager ngai. Nazana culture ba asiatique ba bomba kati. Mingi mingi makambo ya se ba coopération na se ezala kate ce qui est comme makambo ya pays. L'erreur oyo na uti koloba na salaki j'ai confondu milliers coréens ou bien asiatiques na milliers congolais. Moi, je croyais que, même si erreur wana loba likambo wana na public, bande konabiso a CCDP balingai koye langa baloba prof, likambo oyo lobi, eza ya solo ou bien eza lukuta. Na tango na lobi yango na zui coup d'appel yande konabiso odombo. Nazalaki na cour na komele rapidement texto pona mona ki ezayé na komele na uta ko sala video na yebike ye mutazo benganga ekozala pona makamba video na sali na komele rapidement mon frère naza occupé nazo relancer yo tout de suite sur na celle-ci atindre nga réponse OK na celle-ci na zongelié mon frère siko nazali prêt olobini. Mbala moko, imbécile, idiot. Makamuni no uti koloba. Bolole, naza nango nyonso. Nazo seka kaka, nazo tindre ba emoticon, nazo seka. Boko mona makambo nyonso ngayi na lobi. Na tikali jamais koyebisa leki nanga odombo, ata imbécile ya pamba. Banda banditi na suka, ake na mama, ake na mwasi, ake, ce que je lui ai dit, nabi, le ki nangana zo peso ba conseil misatu, oza un bon leader na koyiko wanga na yote. Ma bena yo, inbox nga na ye, ma bena yo, tika fam, kende klasi mwa muke, tika lukuta. Trois conseils, inbox nga na ye. Subitement, na monaka aboye atindelinga video. Na précipitation, na moni video, il y a deux personnes. Mobali aza pembe. J'ai estimé que c'est Odombo. D'office, na tourni video atindelinga ni. Na yako mona pa a blokenga. Er nazali kutuna makamba video, cette video ezali très sale, ezala mwasi na ngai na zoko kako pesa ya ngote atala. C'est très sale. Na yeko koma Odombo, peut-être par erreur atindelinga video. Video na ye. Par la suite na yeko zo bapel, on me dira, tala bien video wana, est-ce que ezali video ezali Odombo ou bien eza Odombo te. Na yeko tala ngo na monike, oui, video wana, ezali Odombo te. Na moni ba demande bele pa bandeko na biso ya CCDP a publier video wana. Quand j'ai écrit ki a tindelinga, parce que cette video woutie pa na ye, e woutie pa na ngate, e woutie pa na ye a tindelinga yi. la précipitation, j'ai dit, atteindre vidéo na peut-être par erreur. Cette vidéo, ils allaient vidéo à Odomboté. Ils allaient qu'on s'excuser pour Nayango, pour na koloba qu'ils allaient. Mais ya koloba que non, aujourd'hui, nandenge ya kuzuba vidéo ya Odombo Mutakala, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit na vidéo nangai, atteindre ngai vidéo. Pourquoi? Parce que vidéo na kata vidéo est angaté. Na kata vidéo na ezali ndeko leki nangati, yaya nangati. Pourquoi tindele kingango? Mes chers amis, convocation oyo ya ndeko na biso Odombo. Pardon, ya ndeko na biso Odombo te ezali ba ndeko na biso CCDP. Moi je pense que histoire oyo bandeko il faut bazwa leçon. Va saisir cette opportunité. Il y a qu'au changer façon de travailler na bango. Ezali ka bandeko ya CCDP. Ezali ka bandeko ya Paricoté. Biso nyonso ba congolais. To changer façon de travailler. Na tango ba étudia ba komaka ba travaux na bango. Ba devoir na bango. Eloko ali boso na texte o bakotinde la yo tanga. Il faut o identifier la thèse. Ya texte. Ba ko ko pesa yo texte ya 100 pages, 200 pages. Soki o identifier thèse ya texte wana nyon sauté. Mon frère, ma sœur, tu vas échouer. Thèse ko ko zala une petite phrase ou bien un mot ou bien groupe ya ba mot, mi balé mi sat. C'est tout. Nyonso o etikali 200 pages. Inutile. Thèse nde. Na makambo nyonso to lobi, la thèse c'est quoi? C'est la vérité. Na résistance na biso. Vérité wana. Yango ko mema biso soki to kei ko zwa pouvoir. To continue yango. To zala loko la Félix te. To zala loko la Kabila te. Kokosa, kokosa, kokosa, kokosa. Parce que kokosa Félix a outi nango na soi-disant qui combattant, soi-disant résistant. Voilà, basu pouvoir, Félix a ken na kokosa oyo na régime. Bandeko, vous pouvez me condamner. Mais thèse yali kambo oyo, il faut ko saisir yango ezali vérité. Mabe ezali wapi, monde kokufa te. Ce qui bande qu'on a vu sur CCDP, baye balobi. Bon, en tout cas, une erreur peut-être s'est glissée quelque part. Peut-être, le quoi la bande kwana, ba Rwanda bazo bundisa biso na lokuta, biso peut osali ko utiliser lokuta pour to bundisa bango. On peut se comprendre. On peut se comprendre. Mais ko insister que document o ezali ya solo, alors il faut ko boma yombi. Nidite ya mwasi ya yombi. Nidite ya bana yombi. Vous vous imaginez que moi nanga ya suka. Azana 7 ans. Bozo finga yepe vraiment. Pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Banane balo balokutate. Est-ce que ngana lo balokutate? Soi na bisi bino ke ngana za sena lo bana lokutate. Wana vraiment na kosi. Moutonio sa loba lokuta, mais c'est qu'on cherche token na minimum. Yako diminuer lokuta quand même, to maximiser vérité, lokuta sur kozala cet humain, etika na moindre effet na makamuto kosala. Na Congo na biso, tozo mona ba kanyot, tozo mona ba cotisation, tozo mona. Mes frères et sœurs, botale lokoyo. Ndeko, bandeko bazo organize kanyote. Bato batye mbongo. Mbongo bato batye poto salisa bato songolo esika boye bazali ko souffrir. Mutu nyonso azomona na moyi makasi. Entre Kinshasa na resistance mbongo elimwe. Est-ce que bandeko ya boye azali ndeko bokopesa confiance na resistance? Pour l'objet à quoi il y a un pouvoir. Félix a zo nyokola, ba Congolais bazo liate bazo souffrir. Kabila nyokoli ba Congolais bazo liate bazo souffrir. Ba paya ba kote biso bazo nyokola biso. Mais biso bena resente zo nyokola bango. Parce que quand vous dites ndeko oyo azo souffrir, famille o bazo souffrir, bo cotiser, ba ndeko ba yo cotiser parce que vous êtes résistant, parce que vous êtes résistante. Ba pesi confiance na yo, o utiliser étiquette ya résistant, o utiliser étiquette ya résistance, ba tu ba pesi confiance, ba tu ba pesi crédit, ba pesi mbongo, mbongo comme une source T. Congolais azo sala nini? Azo beta maboko na ndeko wana. Congolais abetaka maboko na ba escrocs. Congolais abetaka maboko na miyibi. Congolais abetaka maboko na ba détourneur. Mais soki yo yo lobi vérité, Congolais obeto maboko te akobaluka yokutu muta akoluka boma. Alors ndeko yombi panza bimisa nyonso. Ndenge na utiko yebisa bino ke ba Congolais ba kabwani na de groupe. Bimisa ba verite, bimisa ba verite, bimisa ba verite. Groupe mususu ko bimisa te, ko lobate, ko lobate, ko lobate, mboke ko pela. Na moko kaka o lobeli makamba verite konvokasyon. Tala ndenge mboke peli. Soki o bakisi. Ba vérité oyo tozali nango ndenge na uti koloba kala mingi te na lingite échec ya ba Congolais ya résistance ezala na mutu ya yombi na yebi ke bande ko belé ba ko na kata de groupe on a identifié na groupe ya ba bande ko o ba lobi bimisa biloko nyoso bima bimisa biloko na identifié que ezali parmi bandeko oyo bangonyo sauté ezali na bandeko oyo soit bazali na ba conflit na bandeko Candide Okeke soit bazali na conflit na ndeko Dombo soit bazali na conflit na bandeko ya CCDP na groupe oyo bato balobi bimisa biloko sous groupe oyo balingi biloko e bima pour que bazwa biloko wana ba détruire bandeko oyo tozali na bango na conflit na sou na groupe oyo ya bata vérité sous groupe musuba sous groupe ezami balé sous groupe musuba lobi bimisa ba vérité pour ba vérité na ko aider biso to ye ba nani azali mutu ya lokuta na résistance mais na groupe oyo balobi ko bimisa te bangone so bazaka ka groupe moko ba sous groupe ezati. Je me suis dit soki ba conflit ezali entre yonde ko mutozol ozolandangai na bande ko otozai na bango na ba conflit oyo soko zai na conflit na bango boswana pone loko songolo kende na justice funda bango. Mena lingite pona konflit mususu boza nango. Na identifiye zana batu mususu konflit ya bazua. Ndeko boya linga mutu oyo. Mutu wana bandai ko linga linga ye. Alor bango mi bale bazo linga na te pona ye. Kopinage. Na kata grupu wana pe bazali. Biloko e bima. Biloko. Biloko e bima. Ndeko msu makamba mbongo. Alia biso mbongo. Bilo kwe bima poto bimela wana. Non, je di. Si bandeko balinko regle konflit. Si vous avez un konflit. Avec Madame Candide. Avec Odombo. Bimisa nde konflit wana. Lobela yango. Bato bako bima bako pesa bino konsey. Ezala teke non na simaya yombi. Loko la bimisi biloko na profite o bombi konflit boza nango. O bimisi liboso konflit ya yombi na batuana. Po o acheve bango. C'est ce que je ne veux pas. Je suis désolé, c'est ce que je ne veux pas. Naibike batuba kozala découragé na sous-groupe Oyo. Bazala ba conflit na bande kona. Ndeko Candido Keke azali une personne azali na ba problème na ye. Et boye ko remarquer que apareko mi balé siko ba communiquer mi balé. Bandeko o abandai ko condamné ngai bo remarquer que nazalaki na makambwana pour rien. Botangi communiqué ya directoire ya pareko botangi pe communiqué ya ndeko Candido Keke soki botali ba communiqué no somi balé kombo ayombi ezati bandeko pareko comme ba illustrer ba point oyo bazali ko akize ndeko Candide point boye point boye point boye point boye ezali je pense 4 ou 5 na kati ya ba point wana kombo ayombi ezati ndeko Candide pe a répliquer soki botali texte na ye kombo ayombi ezati alors bandeko o bazali koloba ke yombi aye ko panza pareko s'il vous plaît bo de douane ngai biloko pona paix po bato bacha échec na mutu ya yombite tout ce que je connais dans koko et ko bimate mais tout ce que j'ai dit beaucoup ko imaginer et ko bima soki mikolweza ko ya biloko na nonse ko bima. Bon, moni déjà, bande kwa pareko, vous avez compris que les deux choses là, pardon, les deux textes là, M. Yombi aza na kati pour rien. Azate. Et loko nazali ko senga, na bande ko ya pareko. Bo reconstitue a pareko. Pardon, bo reformer apareko et comment un mouvement où ils allaient flexible na ba norme internationale. Makambeza e belé bande ko apareko ba koyiko sala. Bo reformer yango, batu ba ko sali sabino na makambwana bazali. Poboza na présence na bino na ba niveau international. Na ndenge apareko ezale li sikoyo. Jamais. Jamais boza na présence au niveau international. Bandeko ya CCDP. Conseil nanga epa na bino. Toyebi ke ba Rwande ba o ba kote li biso bazali ko boma biso bazali ko utiliser lukuta. Po na Congo bozana na besoin ya mensonge te po bo combattre ba Rwande. Po epai na biso ba vérité ezé belé ba massacre ezali, biloko bazo sala na Congo ezali, biloko ba minere na biso ezali, vous n'avez pas besoin ya concevoir mensonge po na ko faire valoir cause na bino ke tozo sala boye po na ba Rwande. Tozana besoin mensonge te. Parce que pourquoi? Soki tozali ko tia mensonge. Soki bato apareko bazali toujours na idée ya kozana présence internationale bato résistance. Quand vous utilisez ces mensonges, bozali pays te, bozali pouvoir te. Lokola naoni bandimaka mensonge ya ba Rwandais. Bino bozali une simple résistance. Mindele na niveau international bakoyi ko ndima be bakoyi ko boya bino. Mais pour na ba Rwandais na Félix, balo ba mensonge balo ba te, mindele na naoni bakolanda bango parce que ceux qui ba boyi ba relation ko katana, biloko bazwa kuna ba kozwa te. Mais bino vous êtes une résistance, bazala besoin na bino te, bazala na bino bazala na bino te. Ils s'en foutent. Alors, bo sala makambo na sincérité nyonso. Ce qui est au na niveau international, imaginez-vous et la convocation. Bokot ici parmi ba dossier bo ken niveau international lokola na oni parce que ba vérifier que nos convocations ezal lokuta c'est fini ba ko yamba bino lisusute c'est fini. Je disais que na mboka na biso ba vérité ya ko utiliser ezali ebele. Bandeko ya CNRC. Ezali mouvouma o na yeba kite. Mwa mouke to solo yi na reflexion o yu na bango. J'ai remarqué que CNRC ezali koki vide ya rien à l'intérieur. Conseil nanga ezali. Bo reforme yango. Ezala ki pe ba souwe na kata reflexion o yu. Bo reforme yango. Pour que. Moussala bozali ko sala. Be moussala bo kolinga bo sala. E salema. Nazomo nande ko moko a komi deception. Oui. Deception parce que. Po na ko zwa decision po na mboka. Il faut ko sala par des choses ko balance. E lo ko nini ko ya sima. Nde ko ko yi ko zala na deception. Problème ezati. Mais lobby okoyeba, pourquoi? Aujourd'hui déception. Ce que j'ai dit, makambu nyoso o nayebi, ezali. Mais, ayoutu kolobango, to tumba mboka. Yonde ko lobby oza na déception. To tumba mboka ou bien to tumba mboka te. C'est ça la question que je me pose au Rokende Nango. Donc, ponangai, M. Yombi, ndenge na yebisa kibino, bandeko oyo nyoso, na yebi, bandeko ebele bako yana ba video, ce qui vont dire. Bako loba yebisa kibino, ako loba ba verite, me abimisi ba verite te. Je demande na bino nyoso, oyo boye la kingai. Ba prêtre ya Mbandaka, ba prêtre ya diocèse mona Kinshasa na Lubumbashi, na Brésil, na Canada. Ba ndeko nyoso bo kontakta kingayi, ndeko kotumbati, to yebi ce qui se passe. Botikali na responsabilité ya ko répondre ba ndeko nyoso ba koya koloba. Lelo ezali jour na nga ya soka. Nakoloba jamais en ce qui concerne Apareko, nakoloba jamais makambo etali résistance, nakoloba jamais makambo etali CCDP. Nayebi ke bakoya bate bele bazozela ba video en standby ke akosa ki bino azalaki na ba documenté. Mais bato ba yelinga inbox bango nyo sauté. Quelques-uns, je leur ai révélé ma dossier. Dossier boy. Papa, wana soki o lobby yango. Wana so lobby yango batu bako bomana, bako kufa. Donc, au nom ya mboka na biso Congo, au nom ya famille nangai, ya bana nangai, ba o union so ba finga kingai, na limbi sibino. Famille donc, ce qui est bon, il y a une vidéo, il y a un makambo, il y a Félix, il y a Rwanda, il y a côté la biso. Il y a un souci pour la bande de Oyote. Il y a un loba, il y a une vérité. Il y a un loba, mais il y a un loba, il y a un loba, il y a un loba. Moi, je n'ai pas un problème, nande ko nanga Odombo. C'est mon petit frère. To banda, banda, lelo, te to solo laka. Odombo azali mutu o abande ko kote langa elba milvor bazo finga ngai. Chaque fois azali na kati. Ngai pe nazali na tango bazo finga ye nazali na kati. Madame Candide, idem. Mais ce problème pouvait être résolu entre bisous. Mais n'ayez que remarqué que ma flamme, bande que belle, loba, loba, loba, loba, bibisa. Bango pekuna, bazo tinda, bazo tinda, bazo tinda. Moi, je pense que Odombo, Madame Candide, Nangai Moko, Nandimite ke mutu moko akondima échec ya mboka na biso na Congo ezala na mitu na biso. Donc, awa nazali kosenga bolimbisi na bandeko nyonso batutisamaki mabaku pona likambo oyo. Na uti koloba yango, ezalaki po esprit nangai ya azi esika nazali, biloko aboye babomba kate fuko bimisa. Na yeba kiteke nazalaki na bakongole. Soke zalaka naza koreye entre bakoreye par exemple, elinge pesa matata boyete. Batuwana balinga bayan explication se tu esili. Mais hélas na yeba kite tozana Congo. Donc, mes chers amis, oyo nyoso akozwa video quelque part. Yo kabalobi. Ndeko traité yango. Kotinde langate. Na yebi, mikoloko yabo opesa nga raison. Conseil ya suka na organisation nyoso. Soki bo sali kanyot, batu ba kotize mbongo. Bo bima na public bo yebi sa mbongo tozwi otan. To sali musala otan. Talaba dokima yangoyo. Mbongo etikali otan. Epa na biso na Congo. Bakanyot so esalemi. Soki batu batuni explication e komiko fingana. Mbongo ho kombie o chaki. Yo o chaki kombie na zongi sela yo. O pesa ki kombie. Makambo mingi ezo zela biso na Congo. J'ai remarqué que période oyo andongwana oyo, tout le monde na diaspora suspendi entre Odombo, Candide, Okeke et Yomba. Nako senga na Odombo, nako senga na Madame Candide, bayebisa batu na bango, batourne vers Congo. Biso nito tourne vers Congo. Biso misatu mutu moko andi mateke échec oyo, balati sayango biso, eko koma na histoire. A un moment donné, résistance balinga yiba libere mboka. Ya un certain Yombi, ya une certain Okeke, ya un certain Odon. Bayaki ko tcha mubulu na kati. Mboka na biso balibera ki yangote. Tu evite loko wana. Mengai soki na yaki koloba, ezali na katia verite ezali, bandeko ebele bake iko verifiye loko oyo, ezala ki ya solote. Tobo mamoto, prochainement je pense que, ezala bandeko CCDP, ezala bandeko msouba association yonso, boko mona invitation ya boyete. Prochainement boko mona une vraie invitation. Prochainement boko mona bakanyot soye salemi, batu bako ya, kopes explication ya utilisation ya bambongo. Alors, ezali un mouvement de na uti ko loba to saisir yango vérité Congo ezangi biloko ko kobunda ko bundisela Félix était Congo ezangi biloko ko bundisela ba Rwanda était inutile de fabriquer des histoires. On a plein d'évidence oui ko iko sali sabiso to bundisa batu wana ezali ebeli ya ko luka kutute. On n'a pas besoin ko fabriquer ba mensonge et sika wana lokola boyebi ke mboka na biso ezali lutte physique boyena lutte spirituelle. Ce qui te considère lutte spirituelle, tozali ko bunda na mensonge. Spiritualité wana eko lata biso te eko kima biso. Toko bunda kaka na mosuni. Alors, to longola lukuta, to lata spiritualité, toko bunda na bosolo, toko zala balongi. Bon, moi, cette histoire, non, Azabo était, Azabo professeur était, Kimia. Kimia. Si vous avez besoin de bandeko oyo, ba latisi, ba kotsi biloko na monoko, lobaboye, lobaboye. C'est ridicule maintenant. Voilà mon limo, spiritualité. Ozali kimia parce que vous avez la vérité. Na moment où portait bimisa vérité wana. Na moment où portait bimisa vérité. Sikoyo, bandeko ebele o ba latisa ki biloko na monoko, loba. Ridicule. Bakomitu na bango moko, pourquoi na landa ki na loba makambubwe? Voilà donc, mes chers amis, 2 heures, tozo kende. Na souka na ngondenge na lobby. Na boyi mboka e panzana. Résistance e panana kombo nanga. Na tiki bandeko na biso a résistance. Na kokota na makamba résistance te. Na kokota na association a résistance te. Bonne chance à vous. Soki mboka e ozala libéré e pa inabino. Bravo. Ngaipe sika nazali. Na longwe kombati. Na za résistant. Na koma résistant pona mesi honore mbanda te. Na koma résistant. Pona résistance wanate. Nazala résistant pona makila eza na kati nanga. Makila Congo. Makila kimbango eza kati nanga. Révolte. Ralbol. E sika na kei. Soki mboka na biso pe koza libere sika na kei. Bo souhaite biso pe bonne chance. Na bandeko ndenge tolobaka oyo balingi to bunda kaka. Esprit kimbango ekote la bino. Bo pesa biso chance. Mbala sima to bunda te. Bo pesa biso chance mbala sima to bunda te. E boti kabiloko ya kolandaka ba kamarade, paske kamarade aza enemi na ye, yopo komi enemi te. Boti kabiloko, soki to diskite pona makamba politik. Moi, peut-être, je croyais que to diskite na Madame Kandi, to diskite na Monsieur Odombo, wane zaka makamba konvokasyon, me makamu sou sonpe, toko solana Odombo, je croyais à ça. Je m'attendais à ça. Mais hélas, toko yiko zala na problème, conflit, pona point moko ya politique. Oui, point wane tikali ya conflit. Mais le reste, on peut coopérer. C'est comme ça le monde évolue. Monde évolue za bongo. To vandi na Europe, to balobi na vandi awa 30 ans, 20 ans. Mais quand même, mentalité peut faire changer biso. Oui, yombi na makamba convocation na ndimi yete. Débat ou a convocation, to continue ango ti na souka. Ti na souka, ti vérité kobima. Mais en ce qui concerne, oh yombi, to zana conflit kuna. Mais na yoki ke, Félix a nommé Mutuboye. Prof, yo moni ndenge nini. Pas ça. Et pas la biso ba Congolais. Pas ça. Na ki prof bande ko vante ngayi ko vante nyon se kweyi. Oza zoba. Oza ki zengi. Oyebe lokote. Dayer pe oza la kapena korete. Ya. Mais si koyo problem. Ngayi yote nazali. Vombie voloba ke na mondo oza li susote o kufa. Oui. Mais ngayi yote. Moi je ne suis pas condamné na zala kloué na kore. Lelo na koza la na Paris. Lelo na koza la na Belgique. Lelo na koza la na New York. Na koza la na Sydney. C'est moi. Alors, kimbangwa limbu sa bien sobo finga kingai, c'est que je reconnais na fingi batute, mais na kalifia ki j'ai dit Muyibi, oui, ça c'est vrai. Muyibi pe bazalaki, na ma dossier moussousou, ya bakanyot, si et tout chaki batou, pour utiliser ça, je demande pardon. Mais en tout cas, ndenge na yaki na sincérité. Il y a des dossiers où il y a mboka. Bandeko, makambo ya makambo ya batwa mulili oyo, il y a des choses. Un point na lingana bosana. Na yoki batwa lobi ya njoka ndia solo lakana ba Rwanda. Mes chers amis, tu évolues dans la mentalité. Toza ba ennemi à ba Rwandais. Nous ne sommes pas ennemis aux Rwandais. Nous avons des problèmes avec le gouvernement rwandais. Parce qu'il y a des Rwandais au Rwanda qui souffrent de la dictature de Paul Kagame. Le quoi la biso tozali ko souffrir na Congo. Na Rwanda pe bazali. Et pourtant, mukoto sola kandi do kekela. Le quoi biso to sola na monsieur Mbanda, ayebisa kingani. Prof na yo kaki mukolo moko lobi betia na yo, il fallait pas au loba c'est une source tozanango wanezali wolo na biso. Il m'a dit ça, eza wolo na biso. Bandeko, ko solo langai nazo solana ba Rwande wana. Un d'abord bazala ki betudia langai. On a des relations professeur-étudiant. Mais ezali elo kwa malamu. Il y a des choses, mes chers amis. On a besoin ya batwana. Bozoma na ba Rwande bazo yo kola lingala. Est-ce que na Congo ezana institut moko bazo yo kola kina Rwanda? Lero na Congo so fungoli institut bazo yo kola kina Rwanda. Lobi ba kutumbango moto ti. Na diaspora place bovandi kuna tolo ba za na Paris. Congolais ya kufungula institut ya langue kina Rwanda na kati. Ba kutumbango te ba resistant. Bozoma na ndenge tozali ba bolole. Ba Rwande bazo yeko la ba instituti ya Lingala, ba instituti ya Chiluba, ba instituti ya Kikongo, na Kigali ezali. Po ba kote la biso malamu ifu ba yeba minoko na biso. Rwande kuna yeko li Chiluba, akoma na Kongo kombo na yeko mi Mukendi. Lobi pe bo defendre ye, kombo de Mukendi ye, akepe apesi mbongo, afabrike ba para lukuta, wii, abota ma na mumpompa. Mes chers amis, batuana ndenge bazo kote la biso na molili. Biso pe futo kote la bango na molili. Bazo yeko la minoko na biso. Biso pe to yeko la ya bango. Bazo kontakte biso. Biso pe to kontakte bango. Yon biso asololi na ba Rwande, ba etudia Rwande. Pona kozwa in information. Ma bezali wapi. Bande koto sa ba bolole. Bandeko. Rwande ako yiko pesa, parce que batu o bazo s'oppose na Rwanda, bazana ko banga na kata Rwanda, secrètement bako yiko pesa bino ben information ce qui se passe. Be étudiante nanga o na zo sabino, azo sala a komiso ki sou, bon, na koloba titre na yeti, na ministère affaires étrangères na bango. Bandeko, so yina soleli na ye, na za Rwande, Bogoye makambo Rwanda yo sala pona bino pona ndenge nini. Toza la batu ti, s'il vous plaît. Toza la batu. Voilà. Merci. Kimia ezala na kati na bino. Et ezala makambo ebele. Batu nyonso bakoki kozala satisfaite na mbala moko. Il faut que kotala le risque ya likambo oyo bolingi kosala. Les erreurs peuvent koleka entre biso, mais au finish il faut kotala intérêt général ya mboka na biso. Bandeko na biso na Congo o bakangami na monyolo ya Félix bazo zela diaspora mingi. Monanga ya suka na diaspora congolaise, ezala ba combattant, ezala kaka diaspora simple, ezala ba résistant. Monanga ya suka travaillons dans la vérité. Et, Kalamingite, nous allons lancer un mouvement. Il y a résistance active. Oye kozalake, bango ba, bangounia bazo kote la biso na se, biso pe to kota na se. To kozalana ba selile nyonso. To kozalana ba selile nyonso. Mais, moutou nyonso te. Voilà. Il y a des choses qui se passent là. Na wala na osute na sina longwe. Voilà. Donc merci beaucoup. O azali na motema discernement a discerner. O azali na motema ya kobunda ya bitumba ni ya manabitumba a continuer toujours que note de se voir parce que a bandeko zela ba preuve a utiliser ba preuve wana po aboma muninga. Alors, En tout cas, Ndeko, Luka ba preuve na epa na yo moko. Moi, ce que je connais Zali Awa, na yebi yango. Je garde ça. Et toko tia yango na barchive, na biso moko toko libere mboka. Alors, voilà. Merci beaucoup et au revoir. C'est fini na oya souboyete. C'est fini. Ce qui na ye pour na Congo. Ce qui na ye contre Félix. Ce qui na ye contre ba bato ba banguna ba kote la biso. Mais pour la résistance, boye boye. Pour le monde, on a sauté et adieu. Merci, au revoir.